La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. Radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. Radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec aujourd'hui Jacques Delarosière. En 2004, l'Académie des sciences morales et politiques sous la présidence de Michel Albert a consacré 32 séances à l'étude de l'Europe sous tous ses aspects. Ce sont ces séances enregistrées par France Culture, que nous vous proposons d'écouter le matin. Ces conférences sont publiées par les presses universitaires de France. On les trouve en librairie depuis mai 2005, sous le titre « Regards croisés sur l'Europe ». Inspecteur des finances à sa sortie de l'ENA en 1958, Jacques Delarosière occupera différents postes au Trésor, avant de diriger au début de 1974 le cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances, peu avant que celui-ci n'accède à la présidence de la République. Il a occupé de nombreux postes prestigieux. Il a été, entre autres fonctions, président du comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE, administrateur de la Banque nationale de Paris, de la Compagnie nationale Air France et de la SNCF. Mais il fut également directeur général du Fonds monétaire international à Washington et gouverneur de la Banque de France, élu en 1993 dans la section générale de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a succédé au théologien jésuite Henri de Lubac et participe à l'édition de ses œuvres. Il travaille aujourd'hui sur les relations entre les banques européennes et l'Europe. Dans son intervention, il propose de faire le point chiffre à l'appui sur ce que nous pourrions reprendre, mais aussi éviter, du fonctionnement économique américain. Le sujet que vous avez formulé, Monsieur le Président, implique que l'économie américaine est plus avancée que l'économie européenne, et qu'il est donc nécessaire pour cette dernière de se rapprocher de la première. Pour cela, comment procéder? Mais le problème est en réalité plus complexe, dans la mesure d'abord où il dépasse les frontières de l'économie. On sait en effet que les bases du progrès économique trouvent leur fondement dans des réalités institutionnelles et sociales. Bien que le sujet posé soit en apparence économique, il est en fait intimement lié à des aspects politiques et sociaux. Le problème que l'on ne pourra esquiver est donc celui de savoir si l'Europe souhaite se rapprocher également du modèle social des États-Unis. Cette question est complexe et mérite, comme on le verra plus loin, réflexion et réponses nuancées. Mais le sujet posé comporte une autre difficulté. La supériorité de l'économie américaine est favorisée par un certain nombre de facteurs spécifiques liés au statut du dollar et au déséquilibre extérieur des États-Unis, facteurs qui ne sont pas réplicables par l'Europe, à supposer même que cela soit souhaitable. Je vais m'efforcer d'évoquer le sujet en articulant mon propos autour de deux axes. Premièrement, en quoi et pourquoi l'économie des États-Unis est-elle « en avance » entre guillemets par rapport à l'économie de l'Europe? Deuxièmement, quelles sont les mesures ou les orientations qui permettraient à l'Europe de se rapprocher des performances américaines sans que soit sacrifié l'essentiel de son modèle social? Premièrement, en quoi et pourquoi l'économie des États-Unis est-elle en avance par rapport à l'économie de l'Europe? L'Union européenne a 15, je retiens pour la facilité de l'exposer la notion à 15, pourtant dotée de 380 millions d'habitants. Il y en a 450 millions dans l'Europe des 25. 380 pour les 15. Soit bien davantage que les 290 millions d'Américains. Et significativement en retard par rapport aux États-Unis. Quelques indicateurs en témoignent. Les États-Unis ont un produit intérieur brut par tête supérieur de 39% à celui de la moyenne de l'Europe des 15. Les États-Unis disposent de 50% des ressources financières mondiales, 51 firmes parmi les 100 plus grandes entreprises cotées du monde sont américaines. Enfin, la croissance potentielle, c'est-à-dire celle qu'un pays peut atteindre durablement, en moyenne, sur le cycle économique, est supérieure à 3,5% aux États-Unis, contre environ 2%, peut-être un peu moins, pour l'Europe. Pourquoi ces écarts? Je vais m'efforcer de répondre à cette question en évoquant deux aspects du problème. Premièrement, l'économie américaine, qui est la plus riche du monde, absorbe une part importante de l'épargne internationale et se développe en grande partie grâce aux capitaux en provenance de l'extérieur. Deuxièmement, mais le dynamisme et la flexibilité du marché du travail et des biens et services aux États-Unis expliquent que ce pays attire les investissements étrangers et réalise une forte croissance. Donc l'économie américaine absorbe une part importante de l'épargne mondiale. Les déficits de la balance des paiements courants américains ont atteint une ampleur record. C'est un phénomène ancien qui présente un caractère structurel. La balance des paiements courants des États-Unis a enregistré constamment sur la longue période un solde déficitaire, mais avec une progression accentuée depuis quelques années. Or, on sait que le déficit extérieur courant, qui atteint aujourd'hui quelque 630 milliards de dollars, soit un peu plus de 5% du PIB américain, est la manifestation d'une insuffisance d'épargne face aux dépenses d'investissement. En effet, les taux d'épargne sont particulièrement faibles aux États-Unis. Le soutien de l'économie américaine dépend, on le sait, en grande partie de la croissance de la consommation. La bonne tenue de la consommation aux États-Unis depuis quelques années, malgré la baisse des marchés boursiers, le terrorisme, la guerre, a été le facteur le plus important qui explique que le monde n'ait pas connu depuis 3 ans une récession globale et profonde. De fait, les consommateurs américains ont accru leurs dépenses sans discontinuité, trimestre après trimestre, depuis la fin de 1991. La politique des bas taux d'intérêt poursuivie par la Banque centrale, la Fed, depuis quelques années, a évidemment contribué de façon décisive à ce phénomène. Lorsque, face à ces très faibles taux d'épargne des agents économiques, s'ajoute une forte désépargne publique sous forme de déficit budgétaire qui atteignent aujourd'hui plus de 3,5% du PIB, on constate le phénomène des déficits jumeaux qui a souvent caractérisé l'économie des États-Unis. Le privilège du dollar a évidemment facilité ce recours au financement extérieur. On sait que malgré l'abandon de la convertibilité du dollar en or en 1971 et le flottement des monnaies qui s'est généralisé à partir de 1973, la devise des États-Unis est restée la plus importante monnaie du monde. C'est en dollars qu'est investi encore l'essentiel des réserves des banques centrales, plus de 65% contre 15% pour l'euro, et c'est le dollar qui est la principale monnaie de facturation des échanges mondiaux. Il en résulte une plus grande liberté pour les autorités américaines dans la conduite de leur politique économique. Le fait de pouvoir emprunter à l'extérieur en sa propre monnaie, monnaie qui est aussi la principale monnaie du système financier, constitue une facilité. Cette facilité n'est pas illimitée. En effet, des déficits excessifs peuvent entraîner une trop forte baisse du dollar sur le marché d'échange, ce qui peut avoir à son tour des répercussions négatives sur l'inflation aux États-Unis, la crédibilité de la monnaie américaine et favoriser la hausse des taux d'intérêt. Mais elle est un avantage non négligeable. On peut observer que le caractère massif des achats de dollars par les banques centrales asiatiques, qui couvrent pour la première fois la quasi-totalité du déficit courant américain, ajoute depuis 2 ans un élément de fragilité au système. Telle est la singularité et elle pose problème de l'économie américaine. Loin de constituer une source de financement pour le reste du monde, ce qui serait souhaitable, l'économie la plus riche de la planète absorbe plus de 8% de l'épargne mondiale. Je ne pense pas qu'à supposer que cela soit possible, cette caractéristique de l'économie américaine soit réplicable par l'Europe, dont le taux d'épargne est satisfaisant, et la balance des paiements globalement équilibrée. Mais, c'est le deuxième point de cette première question sur l'économie américaine, mais le dynamisme et la flexibilité de l'économie aux États-Unis expliquent que celle-ci attire les investissements étrangers et connaissent une forte croissance. Si la croissance potentielle des États-Unis, qui est de plus de 3,5%, comme je l'ai dit, a cru plus vite que celle de l'Europe et est maintenant près de deux fois supérieure à celle de l'Union des 15, c'est qu'il existe, outre-Atlantique, des facteurs puissants de développement avec lesquels notre continent est loin de pouvoir rivaliser. Trois éléments explicatifs me paraissent à cet égard déterminants pour comprendre l'avance américaine et le retard européen. Premièrement, la croissance démographique positive aux États-Unis fait contraste avec le déclin de la population européenne. Depuis 1965, et on ne le sait pas assez, les États-Unis ont mené une politique d'immigration systématique alors que l'Europe a eu une approche à la fois plus restrictive et plus passive. Entretenue, écrit un démographe, Claude Vimont, par l'importante immigration latino-américaine avec une moyenne de 2 enfants par femme, la fécondité est restée très proche du seuil de renouvellement des générations depuis plus de 20 ans, alors qu'elle est descendue à 1,5 enfant par femme environ dans l'Union européenne. Les perspectives de population aux États-Unis reposent sur le maintien de 2 tendances, une fécondité légèrement supérieure à 2 enfants par femme, une immigration annuelle de plus d'1 million de personnes. Il en résulterait qu'en 2025, la population des États-Unis croîtrait de plus de 20% pour se situer à 335 millions de personnes environ. La situation démographique de l'Europe des 15 est malheureusement très différente. Je vous passe les prévisions sur la fécondité, mais on peut considérer qu'il y a un risque que la population européenne se réduise actuellement de peut-être 10% en 2025 pour atteindre moins de 350 millions d'habitants. On peut faire des hypothèses avec un taux de fécondité un peu plus important, mais l'ordre de grandeur, c'est quand même la stagnation. Mais plus grave encore, le vieillissement de la population européenne l'emportera sur les tendances projetées pour les États-Unis. Ainsi, en Europe, les 65 ans et plus atteindraient 22% de la population en 2025, contre 16% en 2000, alors que ce chiffre ne serait que de 17% aux États-Unis. Quant à la population en âge de travailler, elle augmenterait sur la même période, c'est-à-dire jusqu'en 2025, de 16% aux États-Unis, alors qu'elle baisserait, et je souligne ce terme, de 1% en Europe. Et si on regarde l'indicateur clé pour la croissance future de l'économie, qui est celui du ratio de dépendance moyen, c'est-à-dire la proportion des 60 ans et plus par rapport aux personnes de 15 à 59 ans en âge de travailler, l'évolution de cet indicateur est préoccupante. Vous verrez les chiffres dans la présentation qui sera à votre disposition. La deuxième chose que je voulais dire à côté de la démographie concerne les gains de productivité comparés. Les États-Unis ont connu, dans la période 1995-2002, et je pourrais dire 2004, des gains annuels de productivité du travail de plus de 2% calculés par employé. Ces gains sont environ 2 fois plus élevés que ceux observés dans les grands pays européens. Les puissants investissements dans le domaine de l'informatique et de la communication aux États-Unis sont en grande partie à l'origine de cette forte croissance de la productivité du travail. On répond parfois que les gains de productivité américains, cette fois-ci non plus calculés par tête, mais par heure travaillée, sont beaucoup moins spectaculaires quand on les compare aux chiffres européens, ce qui est tout à fait exact. Mais ce qui importe pour mesurer le dynamisme d'une économie, c'est pas tant la productivité horaire du travail que le taux d'emploi et le nombre d'heures effectivement travaillé. Or, de ce point de vue, la comparaison est malheureusement accablante pour l'Europe. Les employés français, allemands et des autres pays européens travaillent 17% de moins que leurs homologues américains et les anglais 16% de moins. Ceci comporte une incidence claire sur la croissance et le chômage. Alors que depuis 1990, le chômage structurel oscille entre 8-9% de la population active en Europe, chiffres effrayants, il tente aux États-Unis vers 5%. Quant à la croissance, elle a été en moyenne plus élevée aux États-Unis en Europe qu'en Europe depuis les trois dernières décennies. L'inflexibilité des réglementations américaines explique pour beaucoup ses meilleures performances. Dès lors que les revenus réels s'améliorent, les individus ont le choix entre augmenter leur temps libre ou privilégier la croissance de leurs moyens financiers en continuant à travailler. Aux États-Unis, ce choix est libre. En Europe, le niveau relativement bas de la durée du travail est moins un choix individuel que le résultat de réglementation. Si l'on ajoute à cette observation l'incidence des départs à la retraite anticipés pour lutter contre le chômage apparent, le résultat est que le taux d'activité des hommes de 55 à 64 ans est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en Europe. Ce sont des chiffres peu connus, mais qui sont la clé des explications que vous me demandez. 67% de cette catégorie travaille aux États-Unis contre 49% en Europe, avec d'ailleurs des différences très fortes entre pays, 62% au Royaume-Uni, 48% en Allemagne et seulement 39% en France. Le résultat est aussi que la fréquence du chômage de longue durée, c'est-à-dire qui dure depuis 12 mois et plus, est significativement plus élevée en Europe, entre 40 et 50% qu'aux États-Unis, où ce chômage de longue durée ne représente que 8%. Le résultat est aussi que les dépenses publiques de soutien à l'emploi, en pourcentage du PIB, sont beaucoup plus faibles aux États-Unis, 0,7%, qu'en Europe, 3,5% en Allemagne, 2,8% en France, etc. J'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui répond plus précisément à la question que vous m'avez posée. Quelles sont les mesures ou les orientations qui permettraient à l'Europe de se rapprocher des performances américaines sans sacrifier l'essentiel de son modèle social? Le sommet de Lisbonne a, en 2000, établi comme objectif pour l'Europe, en 2010, de devenir, je cite, « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Fin de citation. Force est de reconnaître que les mesures prises à cette fin depuis 4 ans sont notoirement insuffisantes et qu'entre-temps, l'écart entre l'Europe et les États-Unis s'est creusé, malheureusement à l'avantage de ces derniers. L'Europe, qui n'avait pas bénéficié à plein de la période de forte croissance de la fin des années 90, a en revanche été en tête de la récession. Aujourd'hui, face aux 4% de croissance du PIB aux États-Unis, l'Europe peine à cheminer sur une pente de 1,5% à 2%. Si l'on cherche à s'inspirer des leçons de l'exemple américain, en s'efforçant de n'en retenir que les meilleures et celles qui sont applicables à l'Europe, on peut très schématiquement résumer le sujet en 3 rubriques. Travailler davantage, réduire le poids des prélèvements obligatoires, encourager l'éducation et la recherche. J'évoquerai brièvement chacun de ces 3 points. Premièrement, travailler davantage. L'analyse que j'ai présentée précédemment l'a souligné, on travaille beaucoup moins en Europe qu'aux États-Unis, près de 20% de moins. Et là est à mon sens une des sources essentielles du retard de notre continent. Les causes de l'insuffisance de l'emploi en Europe tiennent avant tout à la politique poursuivie. Ces causes sont multiples et je ne puis les traiter aujourd'hui en détail. Mais il y a une explication générale qui rend compte de l'ensemble. Comme l'a écrit Jean-Philippe Cottis, qui dirige la recherche à l'OCDE, je cite, « La faiblesse du taux d'emploi observé en Europe s'explique dans une large mesure par des politiques visant à décourager l'offre de travail. » Fin de citation. Ces politiques sont fondées sur le concept que l'offre d'emploi étant limitée, il convient de la répartir entre le plus grand nombre par des mesures réglementaires. Ces politiques cherchent ainsi à redistribuer le travail au profit des plus jeunes, en multipliant les départs en pré-retraite des 50 ou 55 ans. Elles visent aussi, notamment en France, à abréger la durée légale du travail afin de répartir les emplois sur un plus grand nombre de demandeurs. D'où la retraite à 60 ans, d'où les 35 heures hebdomadaires, etc. Ces politiques, essentiellement malthusiennes, et en disant ça, je simplifie exagérément, car Malthus était heureusement beaucoup plus visionnaire que cette épithète ne le caractérise. Ces politiques essentiellement malthusiennes, et dont le fondement économique est de plus en plus largement contesté par les économistes, ont lourdement échoué. Comme l'écrit encore Jean-Philippe Cotis, je cite, « Elles ont contribué, ces politiques, à déprimer l'emploi total et donc l'assiette financière des régimes sociaux, sans réduire le chômage qui reste très élevé dans les grands pays de l'Europe continentale. » Fin de citation. Il faut ajouter à ces politiques l'effet de désincitation au travail résultant des taux marginaux élevés des impôts sur le revenu. La recherche économique la plus récente, et là, si vous consultez mon texte, vous aurez des références intéressantes. La recherche économique la plus récente montre que la protection de l'emploi tend à réduire l'emploi et à allonger le chômage, ce qui décourage les travailleurs et réduit en conséquence le taux de participation. Je passe sur les données statistiques. Si l'on ajoute que le faible écart entre l'indemnisation du chômage et du non-travail, sous toutes ses formes, d'une part, et le salaire minimum, d'autre part, constitue une désincitation à retrouver un emploi, on a une idée de l'ampleur des erreurs qui ont été commises, souvent avec d'excellentes intentions, au cours des dernières décennies. Mon deuxième point, c'est qu'il convient d'assouplir le marché du travail et de réduire le poids des réglementations. Je crois que de plus en plus d'esprits s'accordent sur l'idée qu'il faut revoir ces politiques en profondeur. Il faut préférer l'emploi à l'assistance, comme le suggère le rapport Cantsu, et permettre aux agents économiques de travailler davantage si tel est leur désir. On pourrait ainsi s'inspirer de l'expérience des pays scandinaves, qui, eux, savent, par exemple, employer les plus de 55 ans. Le mot d'ordre devrait être instituer une plus grande flexibilité des marchés du travail et faire en sorte que les réglementations sociales et les prélèvements soient orientés vers l'incitation au travail et non pas vers la protection des situations acquises. À quoi il faut ajouter que le chômage important des jeunes les moins qualifiés ne pourra être résorbé que par une diminution pour les entreprises du coût du travail et des prélèvements obligatoires, sans parler bien entendu d'une amélioration de l'éducation. Ce que je viens d'analyser n'est pas en soi une mauvaise nouvelle. En effet, inciter les entreprises à embaucher, en continuant, car on le fait déjà, à réduire le coût du travail peu qualifié, tenir compte de la productivité et des conditions locales dans la formation des salaires, améliorer l'éducation, développer la formation continue, encourager les plus âgés à travailler davantage, constituerait en fait une source considérable de rattrapage par rapport aux États-Unis, qui ne disposent pas de ces réserves, et un facteur clé pour la hausse de la croissance potentielle de notre continent à démographie déclinante. Deuxième indication, réduire le poids des prélèvements obligatoires. L'Europe a laissé se dégrader ses comptes publics depuis environ 3 décennies. La dérive budgétaire de l'Europe depuis 30 ans pourrait faire l'objet d'une conférence spéciale. J'ai analysé ce phénomène, qui n'est pas propre à la France, dans une étude récente, et je ne reviendrai pas, faute de temps, sur le détail de cette évolution. Qu'il me soit seulement permis de rappeler quelques données essentielles. L'ensemble des pays de la zone euro atteignent en moyenne, par rapport à leur produit intérieur brut, un taux de dépenses publiques de 49%, plus de 55% pour la France, contre 30 à 35% aux États-Unis. Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire impôts sous toutes leurs formes et cotisations sociales, pour la zone euro, se situe autour de 45% du PIB, en France 50%, et comme l'expansion des dépenses publiques n'a pas été entièrement financée par les prélèvements obligatoires, les États ont, depuis le début des années 80, accumulé des déficits chroniques. La moyenne annuelle des soldes budgétaires est de moins 3,5% déficit en France, 2,5% en Allemagne. Ces déficits chroniques ont été financés par l'emprunt. Mais comme, et c'est heureux, l'inflation ne constitue plus le recours trop souvent utilisé dans le passé par les gouvernements pour spolier l'épargnant, la dette publique a eu tendance à gonfler en valeur réelle. On considère qu'au-delà de 40 à 50% du PIB, le poids de la dette publique d'un pays entraîne des conséquences négatives sur la stabilité financière et la croissance. Qu'il suffise de rappeler que la dette publique de la France, évaluée à moins de 20% du PIB en 1980, s'élève aujourd'hui à 65% du PIB, de même qu'en Allemagne. Elle n'est d'ailleurs que de 50% aux États-Unis, cette dette publique, alors que les États-Unis, je le disais, sont un pays de fort endettement. Les conséquences de cette dégradation sont lourdes pour la croissance économique. Au-delà d'un certain niveau de fiscalité et de parafiscalité, l'expérience montre que l'investissement tend à se réduire, que les contribuables les plus aisés cherchent à se délocaliser, et que les arbitrages en matière d'implantation, d'usines ou de services visent à privilégier des sites moins imposés. La concurrence dans le monde globalisé qui est le nôtre ne concerne pas seulement le commerce des biens et des services, elle s'exerce également en matière d'attractivité des investissements. La surcharge dont souffrent les finances publiques de nombre de pays européens a, je le crois, atteint ses limites. Il est grand temps que le débat quitte le terrain de la recherche illusoire d'une plus grande flexibilité du pacte de stabilité et de croissance pour se replacer sur celui de la question fondamentale, comment réduire les prélèvements obligatoires à un niveau qui permette à l'économie de respirer et aux investissements de repartir. Sait-on par exemple que le service de la dette publique en France absorbe, malgré des taux d'intérêt ambiants peu élevés, près de 3% du PIB ? C'est 1,7 aux États-Unis, et constitue les trois quarts de notre déficit budgétaire. Une économie qui peine à croître au rythme de 2 à 2,5% par an ne saurait prospérer dans un tel carcan. La réponse à ces questions réside dans l'aptitude de l'État à se réformer, à augmenter sa productivité, à éliminer les dépenses inutiles, à réorienter ses efforts vers les pôles de recherche et d'innovation, de telle sorte que les dépenses publiques atteignent un niveau et une qualité compatibles avec le retour à une croissance plus satisfaisante et plus en ligne avec celle des pays à fort dynamisme économique. Le cercle à engager est du reste vertueux. Plus l'économie se redressera, plus le rythme de croissance s'élèvera, plus la charge de la dette et des prélèvements sera soutenable. Enfin, encourager l'innovation et la recherche, ce sera mon dernier point. On a vu qu'une des forces de l'économie des États-Unis réside dans la recherche et l'innovation. C'est là une des clés de leur gain de productivité. J'évoquerai, à la lumière de l'expérience américaine, les deux questions de l'enseignement supérieur d'une part et de la recherche de l'autre. L'enseignement supérieur européen pourrait s'inspirer de, ou du moins réfléchir à, certains points forts du système américain. Les travaux de l'OCDE montrent que les ressources en pourcentage du PIB allouées à l'enseignement supérieur, lequel joue un rôle central dans la recherche aux États-Unis, sont en moyenne deux fois plus faibles en Europe qu'aux États-Unis. C'est un constat d'une gravité extrême. Sans avoir la prétention de formuler des recommandations sur ce sujet, que nombre de mes confrères connaissent bien mieux que moi, je ferai quelques remarques tirées de l'observation du système d'enseignement supérieur aux États-Unis. La réussite de ce système résulte notamment de l'indépendance et du statut privé des plus grandes universités, pas de toutes les universités, il y a des universités d'État en grand nombre, mais des plus grandes universités. Statut qui s'accompagne du paiement de frais d'études par les étudiants, mais aussi, il faut le dire, de l'attribution de bourses aux meilleurs candidats dont les familles ne disposent pas des ressources nécessaires. Cette qualité provient aussi de l'ouverture de ces universités sur le monde économique, de l'importance des financements privés dont elles bénéficient, notamment de fondations, d'entreprises, ainsi que de leurs anciens étudiants, dont la fidélité et l'attachement à l'alma mater sont fortement ancrés dans la culture américaine, de la vive concurrence qui règne aussi bien entre les universités qu'au sein du corps enseignant, chaque université s'efforçant d'attirer les universitaires et les chercheurs les plus reconnus au moyen de salaires élevés, de laboratoires, d'équipes de recherche, etc. Du recrutement systématique des meilleurs étudiants, notamment en provenance des pays émergents. d'une culture de l'excellence fondée sur l'évaluation impartiale des résultats. Les Européens qui ont des universitaires remarquables peuvent-ils, sans nécessairement remettre en cause les bases de leur système, s'inspirer de certaines des caractéristiques américaines, notamment dans les disciplines scientifiques? Le fait qu'un projet tendant à instituer une plus grande autonomie des universités en France n'ait pu être présenté en raison de la sensibilité du sujet ne constitue pas un signe favorable à cet égard. Quelques mots enfin sur la recherche et le développement. La dépense allouée par l'Europe à la recherche et au développement n'atteint que 2% du PIB contre 3% aux États-Unis. Or, on sait que la recherche est au cœur du processus de développement et de croissance. Mais il ne s'agit pas seulement d'augmenter les fonds publics alloués à la recherche en les répartissant sur des structures inchangées. Il convient aussi, et je dirais surtout, de promouvoir entre universités, centres de recherche, qui sont d'ailleurs le plus souvent universitaires aux États-Unis, pouvoirs publics et entreprises, de véritables réseaux interactifs. Comme l'écrit Christian Blanc dans un de ses nombreux rapports au Premier ministre, qui s'appelle celui-là « Pour un écosystème de la croissance », je le cite, « L'initiative privée aux États-Unis est à la source de tous les succès majeurs. L'État intervient comme client des entreprises dans le cadre de ses activités régaliennes, mais pas comme intervenant direct dans la création ou la gestion d'entreprises. La dynamique d'ensemble du réseau, ils appellent ça le cluster aux États-Unis, est celle d'un cercle vertueux où excellence académique et dynamisme économique se renforcent mutuellement. La transversalité est une notion absolument capitale au cœur du modèle. Recherche, enseignement, entreprise sont étroitement mêlés au point que les mêmes personnes peuvent être à des moments successifs de leur carrière chercheurs, entrepreneurs, consultants et investisseurs. » Fin de citation. Il faut ajouter que la politique américaine active d'immigration s'accompagne d'une forte présence aux États-Unis de chercheurs étrangers, notamment asiatiques. Comme l'écrit Jérôme Fourel dans les Annales des Mines, après la mondialisation de la production dans la période 70-99, la décade 2000-2010 s'annonce comme la mondialisation du savoir. Les gagnants seront certainement les nouvelles élites américaines et asiatiques engagées depuis 20 ans dans des logiques très fécondes de co-développement. Fin de citation. À l'Europe de s'inspirer de ce modèle, de redéfinir l'action de l'État en matière de recherche, de développer le champ du mécénat privé, de favoriser fiscalement la création de fondations académiques, de faire jouer la concurrence entre les équipes en acceptant de remettre en cause les situations acquises, de mieux assurer le lien entre recherche, université et entreprise, de revoir le statut des enseignants-chercheurs financés sur fonds publics dont les rémunérations correspondent aux tâches d'enseignement, mais les incitations à la recherche restent très insuffisantes. Une récente proposition tendant à créer une quinzaine de groupements universitaires européens de très haut niveau dans le domaine des sciences mériterait, je crois, considération. L'idée serait de soutenir par des financements publics et privés la formation de fédérations de 3 à 5 établissements regroupant des universités et ou grandes écoles et des centres de recherche. Ces pôles d'excellence auraient pour ambition de remédier à l'insuffisante attractivité des universités du continent européen à l'échelle mondiale. Au total, on peut résumer cette situation complexe en observant que les États-Unis sont une grande et forte économie qui reste la locomotive du monde, que ses fondements démographiques sont plus sains que ceux de notre continent, que la flexibilité des marchés incite les Américains à entreprendre et à travailler et non pas à réclamer des redistributions budgétaires systématiques, que la recherche et l'innovation sont la clé de la croissance américaine. L'Europe, on l'a vu, peut s'inspirer des éléments les plus performants de ce modèle, notamment en matière de flexibilité des marchés, de réduction des charges publiques, de recherche et d'innovation. Mais le modèle américain, et c'est là que je conclurai, est loin d'être parfait. On a vu que la croissance américaine est relativement fragile, dans la mesure où elle repose sur un certain nombre de déséquilibres budgétaires et de balance des paiements, dont l'accumulation pose des problèmes importants pour la stabilité financière mondiale. Et le film, monsieur le vice-président, n'a pas fini de se dérouler. On peut ajouter sur un plan plus général, que l'inégalité des revenus est plus forte aux États-Unis qu'en Europe, et que les soins de santé auxquels ont accès les couches les plus défavorisées de la population américaine sont d'une qualité considérablement moindre que ceux qui sont disponibles en Europe. De fait, il semble que la philosophie sociale des deux continents soit assez différente. Aux États-Unis, on a tendance à mettre l'accent moins sur les inégalités des revenus, et donc sur la nécessité de les corriger par une redistribution fiscale, ce qui est l'orientation européenne, que sur l'égalité des chances. En Europe, on estime qu'il convient de protéger les faibles tout au cours de la vie contre les aléas de l'existence et de l'environnement économique au prix de systèmes de sécurité sociale, de qualité et d'une politique délibérée de transfert public. Alors la question est de savoir si le modèle de l'égalité des chances est réellement mis en œuvre aux États-Unis. Des analyses de plus en plus convergentes et nombreuses montrent que certains segments, notamment ethniques, de la population aux États-Unis ont de moins en moins accès à un enseignement et à des soins de qualité par rapport aux segments intermédiaires ou supérieurs. Il est à souligner, par exemple, que le taux de mortalité infantile aux États-Unis, qui est de 6,6 pour 1000 en 2002, est nettement supérieur à celui de l'Europe. La question est aussi pour nous de savoir si le modèle social européen, qui s'est remarquablement développé, et parce que c'était plus facile, il faut le reconnaître, pendant les Trente Glorieuses, est soutenable, sans un certain nombre de réformes en profondeur, dans les nouvelles conditions caractérisées par les effets d'une démographie déclinante, de la faible croissance et d'une concurrence internationale de plus en plus vigoureuse. Le moment est venu pour les États-Unis, comme pour l'Europe, de réfléchir à leur propre modèle, de s'inspirer de ce qui est le meilleur chez l'autre. Le moment est venu pour l'Europe tout particulièrement de chercher moins à rigidifier les avantages acquis qu'à engager ou parachever les réformes de structure indispensables, discipline budgétaire, maîtrise des dépenses de santé, réforme des retraites, politique de flexibilité des marchés, soutien de la formation professionnelle, de la recherche, etc., qui permettront d'adapter son paradigme préféré afin de lui donner une chance de survivre. Certaines mesures ont déjà été prises qui vont dans la bonne direction, mais l'essentiel reste à faire. Ce ne sont pas quelques recettes miracles qui pourront nous faire rattraper notre retard. C'est un état d'esprit, une capacité à expliquer et à engager des réformes en profondeur en galvanisant, et oui, pourquoi pas, les énergies de tous autour de ce vaste projet. J'ai la conviction, mesdames, messieurs, que ces réformes sont possibles. Le Royaume-Uni au début des années 80, le Canada, l'Irlande, les États scandinaves, parmi d'autres, ont réussi à changer leur attitude face aux problèmes économiques et à mettre un terme à leur déclin. Je ne vois aucune raison pour que les autres pays européens, et la France en particulier, ne puissent faire de même. Pour atteindre cet objectif, il faudra vision, lucidité, pédagogie, courage et persévérance. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, l'Académie des sciences morales et politiques avec Jacques Delarosière. Une émission de Guillaume Rialan, Daniel Fineau, Christine Goémé. France Culture. Qu'est-ce que c'est? Un disque. Combien coûte ce disque? La radio est une voix qui parle à une oreille. Il coûte 500 francs. Je coûte France Culture. La radio bouge. La radio n'est qu'au mouvement. Sa seule voix, la voix. Attention, Sunset by Postal, France Culture. Demain mardi, le songe de la vie. Mercredi, la balance de Zeus. Jeudi, le grand rouleau. Et vendredi, le chant du cygne. Aujourd'hui, le silence éternel de l'univers ou l'angoisse devant l'infini. Pour vivre, l'homme a besoin de repères familiers. Il les imagine tout d'abord à sa mesure. Le monde est alors comme une demeure proportionnée à ses attentes. Le haut et le bas, le devant et le derrière sont aisément identifiables. Chaque chose à sa place, comme si un dieu ou un artisan du monde avait pourvu à tout. Ce monde est à taille humaine. Il est fini, limité, car ajusté aux exigences de la vie. Il a un sens, il a même une finalité. L'homme lui-même, placé en son centre. Cette vision du monde est véhiculée notamment par le récit de la Genèse. C'est cette vision qui va voler en éclats lorsque Copernic, puis après lui Giordano Bruno, précise que le monde n'a pas de limite, qu'il est un univers infini, immense, disproportionné par rapport à l'homme. Angoisse. Révolution copernicienne qui substitue l'univers infini au monde clos des anciens bouleverse la pensée. Pascal, dans les pensées, rapporte le sentiment d'essolement, d'abandon, de l'homme qui, sans référence à Dieu, considère la petitesse de sa vie. Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédant et suivant le petit espace que je remplis, et même que je vois, abîmée dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que l'or? Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? Memoria hospitis unius diei praeteruntis. Souvenir de l'hôte d'un jour qui passe. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. La méditation pascalienne rapporte l'homme à l'univers, puis à lui-même. Rapporté à l'univers, l'homme se sent dérisoire. Il scrute le ciel et n'y trouve nul point d'arrêt. La voûte immense se tient sans support apparent, et son silence glacé est comme un miroir sans fond. La nuit qui vient efface les repères ici-bas, paysages engloutis, qui ne témoignent plus de leur existence que par des lumières chétives. Les horizons se dissolvent dans l'ombre profonde, noirceur du firmament, où les étoiles semblent pour toujours hors d'atteinte. Et le regard dérive en son vertige, aucune limite assurée ne le repose. La disproportion évidente et muette de nos existences et de cet infini sans mémoire devient vite une sorte de mesure de notre faiblesse. N'y a-t-il pas, dans cette immensité, un grand vent de hasard qui transit les choses et les êtres? On tente bien de penser l'immensité pour se la rendre plus familière, mais cette pensée elle-même ne peut se faire à la mesure d'une telle immensité. Le retour à soi est alors une sorte de vertige. La confiance native dans le cadre familier a disparu. Que vaut la durée d'une vie humaine au regard de l'éternité? Que vaut le petit espace occupé au regard de l'immensité? Le temps et le lieu se mêlent dans ce sentiment de dérision. L'univers m'ignore et pèse pourtant sur ma solitude qui est comme perdue en lui. Le bégaiement du pourquoi s'élève, mais il reste sans écho. C'est, dira Pascal également, que l'univers est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Alors, on imagine un homme qui arrive dans une auberge ventée, loin de tout, perdu dans la neige et la nuit. Un hôte sombre est passé puis reparti presque aussitôt. La trace de ses pas s'est effacée sans tarder. Ainsi s'évanouit l'éphémère vision de l'humanité. Pascal décrit cette évanescence, souvenir de l'hôte d'un jour qui passe. Le séjour n'est bien sûr que provisoire, et l'on se découvre toujours en partance. Les choses nous sont comme prêtées, et il semble dérisoire de s'attacher à leur propriété qui, de toute façon, nous sera bientôt soustraite. La terre habitée, grande auberge où les hommes ont fait escale, apparaît à son tour bien petite dans l'univers que Copernic et Galilée ont découvert. Le frisson de l'infini vient habiter le temps de vivre. Silencieux. Nulle voix d'un Dieu qui pourrait rassurer. Nulle voix non plus d'un Dieu lourd de menaces pour les hommes. Le monde est comme rendu à lui-même. Il est indifférent aux hommes. Il est donc neutre. Ni menace, ni recours. La découverte de cette solitude n'est-elle pas aussi la découverte d'une liberté fondamentale de l'homme qui va errer sous un ciel désert, sous un ciel immense qui n'est plus à sa mesure. Mais cet homme qui compte sur ses propres ressources, ne va-t-il pas construire ses propres valeurs? C'est là que Pascal se sépare du libertin affranchi, de celui qui ne craint pas l'immensité ou qui fait retour à lui-même pour définir sa propre aventure. Pascal, lui, ramène l'homme à sa misère, comme pour y insister, comme pour en appeler à la croyance en un Dieu qui rehausserait cette condition. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. La dérision pascalienne est celle d'un croyant, mais le libertin, l'homme affranchi de toute peur, se satisfait du monde tel qu'il est, et n'en relativise pas la plénitude, par la référence à autre chose dont ce monde serait en manque. Il ne peut donc concevoir ce genre de frayeur, même s'il s'avoue sensible à la fragilité humaine, ce qui peut ouvrir à une recherche des valeurs fondamentales. La condition humaine n'est plus dès lors mesurée à ce qui en soulignerait la dérisoire faiblesse. Le seul fait de se demander ce qui fonde sa raison d'être, comme pour souligner d'emblée sa faiblesse, présuppose déjà une conception religieuse. Celle-ci semble donc préexister à l'interrogation. Reste le sentiment indépassable de l'insigne fragilité humaine au regard de la nature. L'infini et l'éternité, même sans le deuil obsédant de la protection divine, ont de quoi éprouver le désir de vivre et la soif d'espérance qui en féconde les impulsions. La seule force dont il dispose, l'homme la tient de lui-même. Et déjà, pourtant, la mémoire des êtres disparus, des choses révolues, alourdit le temps de vivre. L'infini et l'éternité sont aussi bien les horizons d'une action inscrite dans l'espace et le temps, mais soucieuse de s'en affranchir autant qu'il est possible, que les cadres démesurés où l'homme se sait tout petit et se croit irrémédiablement impuissant. Effet de perspective. Silence du ciel. Rien ne répond à l'homme lorsqu'il croit devoir interroger la nature à partir de ses seules attentes, de ses angoisses et de ses désirs. Rien ne répond, sinon l'écho de son cri ou de son chant. Si le monde ainsi découvert est absurde, si les choses ne s'ordonnent d'emblée à aucun principe donateur de sens, le tracé de la vie se libère de tout ce qui pourrait l'assujettir. Le risque est la rançon inévitable de la liberté la plus profonde et la plus grave, celle de se choisir, de choisir la façon dont se réalise en soi l'humanité, celle de vivre et de se faire soi-même. Pour situer la condition humaine, Emmanuel Kant évoque deux spectacles, l'un extérieur, l'autre intérieur, qui suscitent, dit-il, son admiration et sa vénération constante. Deux choses remplissent l'esprit d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. La première commence à la place que j'occupe dans le monde sensible extérieur et étend la situation dont je fais partie à l'immensité indéfinie des mondes. On le voit, pour Kant, l'infinité du monde dans lequel l'homme se situe n'est pas du tout effrayante. Elle précise le cadre de la vie humaine, elle précise aussi le milieu dans lequel l'homme doit se situer. Il y a, par ailleurs, cette loi morale qui ne dépend que de l'homme seul. À la loi du monde infini s'articule la loi morale, ou plus généralement le pouvoir qu'a l'homme de se donner à lui-même sa propre loi et de signer ainsi sa liberté au sein de l'univers. Thank you. de la considération de la relativité des choses humaines, Pascal tire une conception tragique de l'existence. Il écrit, parlant de la mort, « Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. » Belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, 9h10 métropolitain, à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Le Corbusier, noyé sur la plage de Roquebrune, Cap-Martin, le 27 août 1965, nous fait entendre quelques réactions de l'époque, journalistes, architectes, ainsi qu'un fragment du discours d'André Malraux aux funérailles dans la cour carrée du Louvre, dans la nuit du 1er septembre. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire, toujours sur le thème Histoire de la rue, nous emmène aujourd'hui en balade en extérieur pour découvrir un lieu de mémoire, les lieux de manifestation à Paris. 11h, fiction feuilleton, le psychanalyste de Leslie Kaplan, adapté par l'auteur, une série de 25 épisodes autour de la vie de Simon Scope, psychanalyste, avec les séances qui se succèdent dans son cabinet, toujours palpitantes, tendues, poétiques, parfois drôles. Mais Simon est aussi un homme comme les autres et dans sa vie, il y a Eva. 3e épisode où Simon hurle, souffre et aime Freud. Enfin à 11h30, les chemins de la connaissance suivent les routes du pétrole avec ce matin Pierre Zelenko, juriste, co-auteur de Géopolitique du pétrole aux éditions Technip. Et pour l'instant, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Il est 6h59, quelques mots du programme de l'émission. Aujourd'hui, mercredi 31 août 2005, un premier rendez-vous à 7h20 avec les enjeux internationaux. Aujourd'hui sur le Brésil, scandale financier et affaires au sein du gouvernement, les conséquences sur la vie politique et sur l'avenir du président Lula. Puis à 7h40, on va parler de la France, comment elle va, comment elle se pense, comment elle se perçoit. L'écrivain israélien Avraham Yehoshua, qui était notre invité hier, nous confiait que depuis qu'il est chez nous en France, c'est-à-dire depuis quelques jours, tout le monde lui dit que le pays est en crise, qu'il est malade, divisé, mal en point. Et Avraham Yehoshua nous disait sa stupeur hier. Quoi, la crise? Où? Comment? De quoi souffrez-vous? Pourquoi êtes-vous malade? Et il ne voyait pas les symptômes de cette maladie qu'on nous dit, qu'on nous décrit pourtant comme étant très profonde. On va essayer en tout cas de poser ces questions de manière un petit peu rationnelle et moins passionnelle tout à l'heure avec notre invité, la sociologue Dominique Schnapper, qui a longtemps travaillé sur la question de la citoyenneté, de la société, des communautés, autour de cette question, qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble ? Sept heures sur France Culture et première édition du journal. Jean-Louis Crimon. Bonjour, bonne nouvelle pour le gouvernement et pour les demandeurs d'emploi. Le chômage en France est repassé en juillet sous la barre des 10%, soit très précisément 25 600 chômeurs en moins, selon les chiffres publiés hier par le ministère du Travail. Explication dans un instant de Florent Guyotat et réaction du secrétaire général de la CGT Bernard Thibault. Le drame de la rue du Roi Doré, version polémique politique, la gauche et la droite se rejettent les responsabilités et Nicolas Sarkozy pointe du doigt la cause principale à ses yeux, l'immigration clandestine. Explication Françoise de Goy. L'innovation industrielle priorité nationale, c'est la volonté que Jacques Chirac est allé exprimer hier en terre rémoise en inaugurant le pôle de compétitivité de Champagne-Ardenne-Picardie. Le chef de l'État entend inscrire la France en bonne place dans la compétition technologique mondiale afin de gagner les emplois de demain, analyse Jean-Claude Pajac. Enfin, 31 août 1980, 31 août 2005, il y a 25 ans, jour pour jour, un métallo licencié des chantiers navals de Gdansk signait avec le gouvernement communiste polonais l'accord qui allait donner naissance au syndicat Solidarité. Marie Viennot a joint hier soir à Varsovie notre consoeur du quotidien Gazeta Wyborcza, Dominika Pszczółkowska. Un bon chiffre et pour le gouvernement sans doute une bonne nouvelle. Nouvelle baisse du chômage en France. 25 600 demandeurs d'emploi en moins en juillet, selon les chiffres publiés hier par le ministère du Travail. Il s'agit de la quatrième baisse consécutive du chômage, après notamment le recul important de juin dernier. Florent Guyotat. Moins 1%, concrètement, cela signifie 25 600 demandeurs d'emploi en moins. Cette nouvelle baisse profite à quasiment toutes les catégories de chômeurs, moins 2,5% pour le chômage des jeunes et moins 1,8% pour les chômeurs de longue durée. Alors avec cette nouvelle baisse, le taux de chômage en France repasse donc en dessous de la barre symbolique des 10%, 9,9 exactement. Et c'est évidemment, on l'imagine, une très bonne nouvelle pour le gouvernement qui veut y voir les effets de son plan de cohésion sociale. Gérard Larcher, le ministre délégué au travail, vante ainsi les mérites des différents contrats aidés du plan Borloo. Mais aujourd'hui en France, 2 423 300 personnes sont toujours à la recherche d'un emploi. Le gouvernement s'attend à ce que ce mieux perdure et alors que le MEDEF clôture aujourd'hui son université d'été à Jouy-en-Josas, Gérard Larcher, le ministre délégué à l'emploi, devrait lancer un appel aux entreprises et à leur implication déterminante dans le recrutement et l'insertion professionnelle des jeunes. Côté syndicat, on souhaite seulement que la baisse du chômage soit bien réelle et qu'elle ne soit pas la conséquence de manipulations statistiques. C'est en tout cas la réserve formulée dès hier par le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault. Si les chiffres du chômage sont appréciés comme l'ont été les derniers publiés, il y aura déjà beaucoup matière à polémique, puisque je veux rappeler qu'au satisfait site que le gouvernement a présenté dernièrement, il ne fallait pas oublier que pour l'essentiel, la baisse statistique du nombre de chômeurs apparaissait parce que l'on avait rayé 39 000 chômeurs de leurs droits, ce qui ne veut pas dire que ces personnes ne soient pas en recherche d'emploi. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, des propos recueillis par Bernard Thomasson. France Culture, il est 7h04, la suite du journal de Jean-Louis Crimon. Paris Opéra, 24 morts, Vincent Auriol, 17 morts, Roi Doré, 7 morts. En moins de 6 mois, 3 incendies viennent de mettre en évidence la triste réalité du logement insalubre à Paris. Passé le temps de la compassion, les politiques reparlent de priorité au logement social, de plan Marshall, de la réhabilitation, et la mairie de Paris, qui a lancé un plan de 152 millions d'euros sur 6 ans, fait appel à la solidarité de l'Île-de-France et de l'État. SOS Racisme dénonce trop de compassion hypocrite et demande des actes. Depuis 20 ans, c'est vrai, force est de reconnaître que les pouvoirs publics ont surtout fait preuve de beaucoup d'impuissance. Hier, le nouveau drame de la rue du Roi Doré, dans le 3e arrondissement de la capitale, a donné lieu à une polémique politique, la droite et la gauche se renvoyant mutuellement les responsabilités, Nicolas Sarkozy n'hésitant pas, dans sa volonté simplificatrice, à désigner selon lui la cause principale de ce drame, l'immigration clandestine, analyse Françoise Degoy. C'est ce qu'on appelle se renvoyer la balle. Et à ce petit jeu, Nicolas Sarkozy n'y est pas allé de main morte. Hier, en marge du déplacement de Jacques Chirac à Reims, le ministre de l'Intérieur reste muet. Normal, c'est avant tout un déplacement du chef de l'État. Mais un jeune homme l'interpelle sur le drame du 3e arrondissement. Et Sarkozy lui répond du tac au tac, à force d'accepter des gens à qui on ne peut proposer ni travail.